Deux semaines d'écrase insondable au centre évangélique francophone Arche de l'Alliance Goma du 6 au 20 décembre 2020 sous le thème « Dégagé du sceptre de la méchanceté par sa grâce » de 15h30 à 17h30 avec comme orateur le révérend Eston Kasirika, pasteur Crispin Tchamala et le frère Marcel Pungo. Chaque dimanche de 7h à 8h30 pour le premier culte, de 9h à 10h30 pour le deuxième culte et de 11h à 12h30 pour le troisième culte. Un programme de jeûne et prière, ne ratez pas. Adresse 160 avenue Mutongo, quartier Mabanga, à côté de l'office des routes. Cordial, bienvenue.